Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Folklore. On est en mars, on attend le printemps avec impatience, on en a marre de la grisaille parisienne et on va essayer de vous remonter le moral avec nos histoires. Enfin, vu le thème de cet épisode, c'est pas sûr qu'on enjaille les foules. Au fait, je suis Gabriel. Et moi, c'est Déborah. Effectivement, c'est pas dit qu'on diffuse une grande joie dans les chaumières ce mois-ci, car nous avons choisi un thème en cohérence avec le mois de mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre chez les Romains. Alors, c'était un thème tout désigné pour nous. On va vous présenter donc des personnages mythologiques un peu guerriers, un peu badass, qui ont fait des choses plus ou moins bien. Et on va découvrir ces histoires ensemble. Je ne sais pas ce que tu auras choisi comme histoire, Gabriel, et tu ne sais pas ce que j'ai choisi. Donc, on va découvrir ça ensemble. Baston! Baston! On l'a déjà fait l'épisode Baston, c'était l'épisode pilote, mais on reste quand même dans de la castagne. À la mythologie en général, à Baston, ça revient assez souvent. Ouais, c'est ça. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Je suis Shiva, le dieu de la mort. Dia de los Muertos a commencé. En fait, je suis une Shinigami. Nom de Zeus! Petit rappel pour celles et ceux qui nous découvrent dans cet épisode, nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue. On est là pour découvrir avec vous des légendes, des mythes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. On n'est pas des professionnels, on n'a pas fait des études sur ces thèmes, on n'est pas théologien, mais la mythologie et les folklores locaux, c'est quelque chose qui nous passionne. En plus, on n'a pas vocation à vous donner toutes les clés, toutes les informations sur ces histoires. On vous en donne un aperçu, et si ça vous tente, vous pourrez approfondir les différents sujets. Dans la mesure du possible, on vous donnera en fin d'épisode des références sur ces personnages, sur ces époques dans la pop culture, pour vous aider à faire un parallèle avec des choses que vous connaissez peut-être, voire même vous faire découvrir de nouvelles choses. Allez, on se lance pour ce deuxième épisode? Baston! C'est parti! Allez, c'est moi qui ouvre le bal ce mois-ci. Alors, la dernière fois, j'ai choisi de vous parler d'une légende locale du sud de la France. Cette fois-ci, on va voyager un peu. On va partir à l'autre bout de la planète et dans des temps plutôt reculés. Alors, Gabriel, si je te dis que mon personnage principal s'appelle Tumatuenga, as-tu une petite idée de l'origine de ce mythe? Je dirais plutôt région Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Alors, Océanie, bingo. Australie, non, hein, c'est un petit peu trop... Les mythes australiens sont plus orientés sur la nature, sur la création des choses de manière paisible, etc. Il y a peu de figures guerrières, en fait, qui est un peu le thème de notre podcast aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, c'est un mythe de Nouvelle-Zélande. Donc, il s'agit d'un mythe maori qui entoure la création du monde, de la nature et des hommes. Tout commence initialement par rien, en fait. Hein. Comme souvent, quand on veut expliquer la création du monde, on commence par rien, que dalle, nada, niente, niente, voilà. Dans la mythologie maori, c'est ce qu'on appelle le tekore, c'est-à-dire le néant. Le tekore, alors j'espère que je prononce bien, mais ça veut dire qu'il n'y a rien, le vide, c'est le rien. D'accord. Voilà. C'est une des phases, il y a trois phases que je vais vous présenter, et la première phase, c'est donc le tekore, il n'y a rien. Et puis, subitement, sont apparues la Terre, l'entité Papatuanuku. Alors, c'est un peu rigolo parce que c'est la mère, en fait. La Terre-mère, la Terre-nourricière, mais qui s'appelle Papatuanuku. Souvent, la Terre est représentée par une figure féminine. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et ça doit être le côté nourricier, le côté maternel. Dans, voilà, c'est ça, la fertilité. C'est dans la terre que grandissent les plantes, un peu une comparaison à la maternité. Et on a de l'autre côté le ciel, Ranginui, qui est représentant du père. Donc on a ces deux entités célestes qui sont apparues. Ok. Ces deux entités, elles sont très proches, hein, ils se kiffent bien papa, maman, enfin papa Rangi du coup. Et elles sont tellement fusionnelles qu'elles engendrent de nombreux enfants, mais elles restent collées l'une à l'autre. Il y a très peu de séparation entre les deux entités. C'est un seul, presque... Quasiment. C'est comme quand tu essayes de relier deux pièces de puzzle entre elles. Il y a toujours un tout petit peu de jeu, mais elles s'imbriquent quand même vachement bien l'une l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et ben c'est un peu ça, Papatuanuku et Ranginui. Donc en fait, dans cette toute petite faille qu'il y a, naissent des enfants. donc des dieux, en fait. Et ceux-ci grandissent dans l'obscurité, parce que l'étreinte de leurs parents empêche la lumière de passer. D'accord. Ce moment-là, c'est donc une nouvelle phase. Après le tekore, on a le tepo, c'est-à-dire l'obscurité. Il y a quelque chose, mais on ne voit rien. C'est obscur. Ces enfants, je vais vous en présenter 7, mais il faut savoir que dans certaines versions de ce mythe, on peut en trouver 70, voire plus. Donc moi, je vais me concentrer sur 7, hein, parce que sinon, c'est un petit peu long. Tu veux pas nous faire... Moi, je pensais que t'allais nous faire les 70 dieux. Voire plus. Voire plus. Voire plus. Eh ben, écoutez, si c'est un challenge, je pourrais essayer de relever ce challenge dans un... Ouais. Un bonus d'épisode, ou je sais pas, mais... Sur Twitter, n'hésitez pas à nous dire. demandez à Déborah de faire les 70 dieux maoris. Génial. Et plus. Et plus. Les dieux maoris et plus, ou voilà. Les 70 et plus les dieux maoris. Les 70 et plus dieux maoris. Le 16e va vous surprendre. Et au 23e, vous en... Non. Vous n'étiez pas prêt pour le vous n'étiez pas prêt. Bref, c'est donc ces dieux-là, on les appelle les Atua. C'est comme ça qu'on dit dieu, les dieux initiaux, en fait, en maori. Donc, on a le premier qui s'appelle Tanemahuta. D'accord ? D'accord. Tanemahuta. Le deuxième, Tafilimatea. D'accord ? Vous allez voir après, j'expliquerai un petit peu qui sont ces personnages-là. Le troisième, c'est Tangaloa. Le quatrième, c'est Rongoirea. Le cinquième, c'est Aumiatiketike. Ensuite, on a Ruaumoko. Et enfin, Tumatewanga, qu'on appelle aussi Tu. Et c'est un peu notre personnage principal. C'est lui qui va un peu driver notre mythe. Et c'est sur lui que je vais un peu m'attarder sur cet épisode. Très bien. Tu te souviens des noms ? Oui, oui, complètement. Bien sûr, j'en doute pas. Il y a de tout. Il y a un petit peu toutes les consonnes, toutes les voyelles. Il y en a un qui s'appelle Tu, c'est vrai. J'ai retenu. C'est bien, c'est le dernier, tu t'es quand même pas foulé. Bref, donc, Tumatewanga, aussi appelé donc Tu, c'est lui qui va lancer le mouvement auprès de ses frères et sœurs. Il en a un petit peu ras-le-bol de vivre dans le noir, et il propose tout simplement de buter ses parents pour pouvoir accéder à la lumière, à la connaissance, etc., etc. D'accord, il aurait pu faire une grève ou avoir des revendications, quelque chose comme ça, avant d'en arriver à cet extrême. Ouais, mais grève, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas d'hôpitaux à bloquer, il n'y avait pas de... Voilà, tu tournes vite en rond, quoi. Oui, mais voilà. Très dans bien. La phase de tes peaux, tes peaux dans la merde, hein. Voilà. Je ne cautionne pas cette blague. Ben, moi non plus, figure-toi. Donc, Tu, il veut buter les parents. Mais Tanemahuta, il n'est pas super emballé par cette idée-là, parce que lui, il réfléchit un petit peu à plusieurs coups plus tard, et il se dit que tuer les parents, c'est peut-être un peu risqué pour eux, qui sont leurs enfants. Et donc, il décide plutôt de proposer de séparer les deux parents, comme ça, eux, ils pourront profiter encore des bienfaits de Papatuanku, qui est donc la terre, la mère nourricière. Donc, c'est, en fait, c'est leur mère, et ils ont encore potentiellement besoin d'elle pour se développer. D'accord. Donc s'ils butent les deux, c'est dommage, quoi. Voilà. Oui, ce serait pas de chance. Ça serait pas de bol. Donc, Tanemahuta, il décide d'accomplir cette mission. Il s'étend contre sa mère, donc il se couche sur le dos de Papatuanku, enfin sur Papatuanku, ouais. Dodo, et avec ses pieds, il pousse Rangenui. Un petit peu comme quand tu vas à la salle de sport et que tu fais des exercices, tu sais, pour soulever des poids avec les pieds, quoi. D'accord. Les enfants, voilà. Un peu... Un peu toxique, presque. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y a peut-être un complexe d'Oedipe derrière, où il avait envie d'avoir Papatuanku pour lui tout seul. C'est pas de ce côté-là, l'Oedipe. C'est plus... Oui, c'est plus... C'est plus antique et plus grec. Bref, opération réussie. Donc, il arrive à séparer Papatuanku et Rangenui. Mais cette opération-là n'est pas sans séquelles. Et la séparation des deux entités fait couler pour la première fois le sang, en fait. C'est la première fois dans cette mythologie que le sang coule et qu'il y a une blessure. D'accord. Et c'est ainsi qu'on explique la terre rouge-ocre, qu'on retrouve beaucoup dans cette région du monde, et qui est utilisée dans l'architecture, dans les arts aussi, beaucoup de totems de ces dieux-là sont représentés avec de l'ocre, du rouge-ocre, parce que c'est une couleur sacrée en Nouvelle-Zélande. D'accord. De tristesse, Rangenui se met à pleurer. Donc Rangenui, c'est le père, le ciel. Mm-hmm. Donc il se met à pleurer. Et en fait, donc c'est un petit peu la pluie. Ouais. D'accord. Et c'est ainsi que furent formées sur la Terre, donc sur Papatuanuku, les premières rivières, les lacs, les océans, etc. Tout ça, c'est les larmes de Ranginui. D'accord. Ok. Et la pluie, donc s'apparente à ses pleurs, et la brume et le brouillard, c'est le souffle désespéré de Papatuanuku sur cette pluie de larmes de Ranginui, parce qu'elle a été séparée de son entité céleste binôme, quoi. D'accord, c'est très mélancolique, très poétique. Ouais, ben, moi j'aime beaucoup cette façon d'expliquer des choses de la nature par des images un peu comme ça, je trouve que c'est toujours assez intéressant. Donc cette séparation entre la terre et le ciel, ça permet d'ouvrir le monde à la lumière. Et donc c'est cette phase-là, donc après le Tekore et le Tepo, on arrive au Te'ao Marama. C'est-à-dire le monde de la lumière, de la connaissance, de la conscience. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que les choses commencent à être, qu'il y a une matérialité dans les choses. D'accord, c'est okay. Bon, tout le monde suit. Hein. Moi ça va, mais vous au cas où... Ouais, dites-le nous si on va trop vite ou si c'est trop compliqué. En fait, vous pouvez pas, mais voilà. La séparation entre la terre et le ciel est parfois considérée comme le premier hara, c'est-à-dire le premier crime dans l'histoire de la création. De plus, si la lumière a apporté la connaissance, c'est celle du bien et du mal. Et c'est pas sans rappeler l'épisode pilote du podcast où je parlais de Pandore avec sa boîte qui renfermait la connaissance des mots avec tous les autres mots, d'accord ? Ouais. On peut également faire le parallèle avec d'autres mythes et légendes, d'autres religions, comme par exemple l'arbre de la connaissance dans la culture judéo-chrétienne. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que sur cette question-là de la création des choses, et de l'humanité en particulier, on a quand même beaucoup de points communs entre les cultures, même si l'empaquetage qu'il y a autour, ça diffère un peu. On retrouve très souvent des thématiques similaires. Oui, oui, il y a les titans avec la mythologie grecque, il y a Caïn et Abel, et l'arbre de la connaissance aussi dans la culture judéo-chrétienne. Est-ce que c'est le moment de faire un point chevalier du zodiaque ou pas? Ah, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de... Pas comme ça, pas du tac au tac. Je peux trouver, mais... Mais à froid, c'est difficile. Ah, ouais. Ok. Bref, cette question-là du crime qui entraîne la... une phase de lumière, de connaissance, etc., elle a sûrement été étudiée, hein. Nous, on n'est pas théologiens, comme on le disait dans l'intro, mais si vous avez des sources à nous conseiller, on est preneurs, parce qu'on trouve que c'est toujours un parti pris intéressant. Nos Atua, donc nos dieux, ils commencent à se disputer à propos de cette séparation, parce que tout le monde n'y trouve pas vraiment son compte. Ta Filimatea, il considère que la séparation des deux entités parentales, elle met un petit peu à mal sa qualité de vie. Il vit mal le divorce. Il vit très très mal le divorce des parents. En plus, il sait que c'est son frère Tanemauta qui en était à l'origine. Donc voilà, il décide, et que ses autres frères d'ailleurs n'ont pas vraiment aidé, n'ont pas vraiment plaidé à la cause de l'amour de ses parents. Il est bougon, et donc il décide de foutre un peu le sbeul, et il utilise en fait les pleurs de Ranginui pour créer des tempêtes, des orages, des ouragans, et il va déchaîner ça sur l'ensemble de la terre, où sont restés ses frères. D'accord. Les frères sont restés sur Papatuanuku. Il devient ainsi le dieu personnifié des tempêtes, des ouragans, enfin, de tout ce qui est météorologique, mais pas cool, tu vois. Je vois. Le grand soleil. Voilà. Ouais, ouais. Il attaque donc les forêts et les animaux que Tanemauta, qui a causé la séparation de ses parents, avait créé pour peupler la terre et dont il était devenu le protecteur. En fait, Tanemauta est devenu la divinité des animaux et de tout ce qui est flore sauvage, les arbres, ouais. Etc. Je vois. Puis il s'attaque à Tangaroa et à ses descendants. Ses descendants, c'est Ikatere et Tutewehiwehi. Le premier, donc Ikatere, pour fuir la folie de son oncle, il décide de se cacher dans les profondeurs des mers. Et Ikatere devient le premier poisson. D'accord. Le second, Tutewehiwehi, il décide, lui, de se diriger hors de l'eau et il devient le reptile originel, en fait. La mythologie maori explique ici la séparation des espèces entre celles qui vont vivre dans la mer et celles qui vont vivre sur terre, mais qui sont issues de la mer. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, les reptiles, typiquement, c'est... L'évolution. L'évolution, mais il ne faut pas confondre avec le domaine de Tanemahuta, qui est vraiment tout ce qui est oiseaux, biches, enfin, tu vois, des animaux qui ne sont pas forcément à l'aise dans la flotte. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc, par exemple, si on capillotracte un petit peu, tout est Wehi Wehi, il va devenir un peu le roi, enfin le roi, le dieu de tout ce qui est serpent, grenouille, salamandre, enfin voilà, des reptiles quoi. Ouais. Ok? Ok. Et donc, Tangaroa, qui est l'ascendant de Ikatere et tout est Wehi Wehi, il est considéré comme le dieu des mers, puisque c'est lui qui dominait le monde marin, d'où sont sortis les reptiles et où sont restés les poissons. D'accord. Ok. En fait, chacun, petit à petit, trouve... En fait, c'est ça, chacun commence à avoir son domaine de prédilection et va avoir quelque chose à protéger. Donc, Tanemahuta, c'était la faune et la flore sur Terre. Tangaroa, ça va être tout ce qui est monde marin, et puis c'est un de ses descendants, tout ce qui est reptile, etc. Voilà, ça va... Petit à petit, chacun prend un peu possession d'un domaine, voilà. Ensuite, Rueamuko, il décide de rejoindre le clan de son frère, Taafilimatea, et tente de détruire les autres en produisant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et donc lui, il devient le dieu des volcans et des tremblements de terre. J'allais le dire. Bien joué. Ensuite, on a Rongoirea et Omiyatiketike. Eux, ils souhaitent pas prendre part, aller à la baston. Hein. Ils se disent, oula, Taafilimatea, il a l'air quand même un peu balèze. On va aller se la jouer finou, tranquillou, bilou. Et ils filent se planquer en scred dans les entrailles de la terre. Donc, ils rentrent dans Papatuanuku. Ok ? Ils rentrent dans leur mer. Ouais, après en être sortis, ils y reviennent, une sorte de, voilà, très bien. De cycle un peu étrange. C'est des pacifistes, un peu. C'est, voilà, c'est ça. Ce mot, j'aurais dit des froussards, mais why not ? Chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Et ainsi, ils deviennent tous les deux des dieux liés à de l'alimentation végétale. Des graines, en fait. Voilà. C'est-à-dire que... Les fruits... Ouais, alors, en fait, il y a une différence. Rongoirea, il devient le dieu des graines et des cultures. Ouais. Et de la paix, aussi. Tu vois, pacifiste. Voilà. C'est vrai. Et l'autre, donc, Omiyatiketike, il devient le dieu des aliments non cultivables. Par exemple, tout ce qu'on veut, les fruits sauvages, les asperges sauvages. Tout ce qui est sauvage. Tout ce qui est sauvage et qui se mange. Voilà, d'accord. Grosso modo. Très bien. Le seul à résister, c'est Tumatwenga. Appelons-le par son petit surnom, Tu. Hein. C'est plus simple quand même, parce que Tumatwenga, c'est quand même long. Mais moi, je vais rester sur Tu. Hein. Voilà, donc Tu. Évidemment, si je parle de lui, c'est parce que c'est le seul à tenir tête au dieu du vent et des tempêtes. Bah, t'es quand même là pour un petit peu de baston. Tout à fait, ça va venir. Mais c'était important de placer un petit peu le contexte général, parce que c'est le terreau de ce qui va se passer. Il est donc pas super content que Taafilimatea ait commencé à essayer de les buter. Et il est pas non plus super content que ses frères aient pas su résister, en fait. Donc il est vénère contre tout le monde. Tout. Tout le monde. Contre tout le monde, oui. Tout à fait. Pas de demi-mesure. Non. De rage, il se met donc en guerre contre ses frères qui se sont fait bolosser et ceux qui se sont planqués. Ils ont pas de bol, les autres, hein, quand même. Non. Tout en continuant à se bastonner contre Taafilimatea et Reimoko. Voilà. Ok. Tout le monde suit, c'est bon ? Tout le monde suit ? C'est un peu compliqué. Bon, avec Arjuna, on était pas mal aussi, quand même. J'avoue. Donc, dans un premier temps, il attaque Tanemahuta en abattant les quelques arbres qui avaient survécu au massacre de Taafilimatea et il transperce avec des branches cassées les oiseaux Tanemahuta et puis il les bouffe. Voilà. Très bien, c'est pas très très cool, mais ok. Ah, oh, il est un peu vénère. Avec les plantes qu'il a coupées aussi, hein, il construit des filets de pêche pour détruire le monde des océans. Le domaine de Tangaroa. Et donc, avec tous les poissons qu'il a récupérés, il se fait une petite friture, quoi. Voilà. Hein, parce qu'il aime bien bouffer. Ouais, j'ai l'impression. Il découvre aussi la cachette de Rongoirea et de Omiyatiketike. C'était ceux qui étaient dans la terre. C'est ça. Et du coup, il les déracine. Et il les bouffe. Et il les bouffe aussi. Voilà. Il a une grosse faim, Tumatwenga. Il a la dalle. Il a la dalle. Et d'ailleurs, donc je dis Tumatwenga ou Tu, il faut savoir qu'il a différents noms en fonction de ce qu'on veut faire ressortir de son personnage. Donc il y a Tumatwenga, ça veut dire Tu au visage colérique, angry face, d'accord ? Il n'est pas content. Et c'est souvent la représentation qu'on voit de Tumatwenga sur les totems ou sur les statuettes, etc. C'est une figure un petit peu colérique, avec une langue qui sort et puis des yeux un peu, voilà, pas angry face, quoi. Ensuite, on a Tuka Riri. Ça veut dire tout le colérique. Ah, j'aurais dit l'inverse. Tuka Riri, je pensais qu'il est... Qui rigole ? Ouais, non, c'était ça, quand il est un peu fun. Bah, c'est le colérique que... D'accord. Non. Ça, voilà. Ça semble logique. Alors, c'est pas tout à fait pareil donc que... Donc, il a le visage colérique et il est colérique. C'est ça. Bah, soit il montre par une grimace qu'il est très, très en colère, soit c'est un sentiment de colère qui vit à l'intérieur de lui. C'est un peu plus fourbe. C'est un peu plus fourbe. Ensuite, on a Tukangua. Alors, je suis désolée pour la prononciation, hein, mais Tukangua, ça veut dire tout le guerrier fier. Ou le fier guerrier. Oui. Je vais te dire, bon. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà. Ensuite, on a Tukaitowa. C'est tout le destructeur d'armée. Il a pas l'air super sympa, lui. Là, on monte un peu en gamme, quoi. Et ensuite, bon, il y a d'autres noms, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns, hein. On a Tumata Waiti. Ça veut dire tout le rusé. Parce qu'il est quand même un petit peu coquinou, quoi. Il est filou. Il est filou. Et donc, toutes ses actions contre ses frères en font, lui, la divinité d'un domaine un peu particulier, qui est donc le domaine de la guerre. Mais aussi, c'est le dieu des hommes, puisque selon ce mythe, les hommes sont des descendants de Tumatuenga. D'accord. Un peu comme Tane Mahuta a donné vie à la faune et à la flore, un peu comme Tangaroa a donné vie à tout ce qui est marin, ben Tumatuenga, lui, il a donné vie aux hommes et à la guerre. Du coup, ça explique un petit peu, tu dis qu'il pêche, qu'il chasse, qu'il déracine, en fait, ça explique un petit peu la domination de l'homme sur la nature, si je peux dire, puisqu'il domine ses frères. Effectivement, c'est un peu la conclusion de ce mythe, d'ailleurs. La mythologie maori explique comment les hommes survivent, en mangeant les animaux de Tane Mahuta, les poissons de Tangaroa, en cultivant les graines de Rongoirea et en mangeant les fruits de Omiatiketsike. Finalement, ils n'ont que deux adversaires, ces hommes, qui sont difficiles à vaincre. C'est Taafilimatea, qui représente les éléments météorologiques, contre lesquels l'homme ne peut rien, si ce n'est tenter de s'en protéger, et de Ruaimoko, qui est le dieu des volcans et des tremblements de terre, et là encore, l'homme ne peut pas les maîtriser. D'accord, c'est vachement bien foutu, en fait, ouais. Je suis en train de dire que... Parce que du coup, voilà, ils arrivent à donner ce rapport de force entre les frères, pour expliquer un petit peu la domination de l'homme sur certaines parties de la nature et leur impuissance face à d'autres. Ouais, tout à fait. Non, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand j'ai découvert ça, quand j'ai creusé un petit peu pour comprendre pourquoi il y avait cette guerre, pourquoi il y en avait qui arrivaient à dominer les autres, etc. Et en fait, quand j'ai trouvé cette conclusion-là, je me suis dit, bah oui, c'est évident, en fait, que c'était une sorte de personnification de la domination animale, humaine, météorologique. Enfin, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, ce polythéisme du peuple maori personnifie donc toutes les choses qui nous paraissent aujourd'hui comme allant de soi, toutes les choses naturelles, et on appelle cette forme de mythologie une généalogie cosmogonique. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est un truc en rapport avec la filiation et la descendance, un rapport avec le cosmos ? Oui, c'est ça, en fait. Si, c'est... Étymologiquement parlant, c'est juste. Voilà. Donc, je fais latin en... C'est non, faux, non, tout c'est le monde faux. Le sait. Tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Mais maintenant, vous le savez. Donc, une généalogie cosmogonique, c'est lorsqu'un mythe décrit la création de l'univers, du monde, des animaux, des humains, en expliquant les choses sur la base d'une généalogie de personnages mythiques, souvent des entités originelles et des dieux et des déesses. D'accord, un peu comme la mythologie grecque avec les titans. Par exemple. Ouais, par exemple, d'accord. C'est ça. En opposition, du coup, si je me permets, avec la culture judéo-chrétienne où c'est Dieu qui a créé le monde. Tout à fait. Tout ça, c'est un autre type, en fait, de cosmogonie. D'accord, mais pas généalogie. D'accord. Voilà. Non, je ne connaissais pas du tout. C'est hyper intéressant comme terme. Ouais, mais je pense que j'essaierai de trouver d'autres généalogies cosmogoniques parce que je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant de voir comment chaque peuple, en fonction des ressources qu'il a à proximité, arrive à construire son mythe, en fait, son mythe de, originel de création. Ouais, et puis c'est marrant de voir aussi des connexions aussi entre les mythologies de pays qui sont énormément éloignés. Tout à fait, ouais. Vous noterez au passage hein, que, hormis la figure potentiellement féminine de Papa Tuanuku, il n'y a pas de personnage féminin dans ce mythe. Et c'est assez intéressant la raison, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, donc je garde cette information pour un prochain épisode. Pas de spoiler. No spoiler, et donc je reviendrai sur la question de la première femme dans la mythologie maori dans un prochain épisode. Cette mythologie, donc, a été pendant des siècles transmise oralement, hein, comme beaucoup d'éléments de folklore, surtout quand on parle de mythe de la création de l'univers. C'est en 1849 que Wilemu Maihi Te Ranhika Eke, de la tribu des Nahati Rani Uewehi de Roturoa, écrit ce qui semble être le récit le plus ancien, le récit, on va dire, écrit le plus ancien, sur ces dieux originels et sur les premiers hommes. Et ce récit est titré « Les fils du paradis ». En version française, évidemment, en version maori, avec un accent, on va dire, proche du nublissime, ça donne un du... Un accent gardois, ça donne du Ngaa Tama A Rani. Voilà. Très bien. Et s'il existe d'autres versions de cette généalogie cosmogonique, aucune autre ne fait intervenir autant de connexions. Là, j'ai un petit peu résumé, mais toute l'histoire est très complexe, quand même. Et c'est cette histoire-là de 1849, celle qui a été écrite par cette tribu, et enfin transmise par cette tribu et écrite par cette personne, qui est la plus complète et la plus mieux, la plus large en termes de balayage d'histoire, voilà. En tout cas, tous les récits, quelle que soit la tribu, confirment la validité globale de la version de Rangika Eke. C'est l'auteur. J'avais compris. Son œuvre commence ainsi. « Mes amis, écoutez-moi. Les peuples maoris proviennent tous d'une seule et unique source, à savoir le grand ciel au-dessus de nos têtes. D'après les Européens, Dieu a fait le ciel et la terre et toutes les choses. Selon les maoris, le ciel, Rangi, et la terre, Papa, sont eux-mêmes la source. » Fin de citation. Très bien. Tout, comme les autres Atuas, est resté dans la conscience collective locale. Il représente le dieu des guerriers et de nombreuses cérémonies en lien avec cette divinité ont perduré dans le temps. Avant la chasse ou la pêche, on invoque tout pour justifier la prise des enfants de la nature, donc les enfants de Tane Mahuta ou de Tangaroa. Concernant l'aspect guerrier, Tuma Tuenga est toujours invoqué avant une bataille, lors de rituels d'invocation, pour veiller sur ses enfants guerriers. D'ailleurs, le corps du premier guerrier tombé au combat était offert à Tuma Tuenga. Aujourd'hui, l'armée nationale de Nouvelle-Zélande porte d'ailleurs le nom de Ngati Tuma Tuenga. C'est le nom de... Nous, on a... Ça s'appelle ministère des armées. Bah, eux, là-bas... Enfin... Ouais, ça s'appelle pas vraiment ministère des armées, c'est un ministère, ça doit pas être foutu pareil en Nouvelle-Zélande. Non, ça s'appelle ministère des armées maintenant. D'accord. Sache-le. Je sache. Le saviez-vous ? D'accord, c'est comme si nous on s'appelait l'armée Héraclès. Ce serait stylé quand même. Ouais, mais enfin, c'est pas local, Héraclès. Oui, l'armée Vercingétorix. Oui, mais c'est pas un dieu, Vercingétorix. Oui, c'est pas... L'armée du Pic Saint-Loup. C'est pas un dieu, tu n'as rien écouté. Tu n'as donc rien appris ? Je ne l'ai pas écouté encore cet épisode-là. Salaud. Bref, une forme de haka, le haka Peru Peru, célèbre d'ailleurs Tuma Tuenga. C'est la danse rituelle d'avant un combat guerrier, hein, s'entend, pas un combat de boxe, pendant laquelle les guerriers dansent et chantent en essayant d'être le plus effrayant possible et les anciens guerriers inspectent leurs armes pour vérifier qu'ils partent au combat dans de bonnes conditions. C'est ce haka-là que font les All Blacks Non, ça en est un autre. D'accord. Ça, c'est vraiment... C'est le haka Peru Peru, c'est vraiment lié à... La guerre. La guerre, l'invocation de la force, de la puissance, du guerrier, etc. Après, il y a eu des dérives. Je ne me suis pas assez penchée sur la question des différentes variétés de haka, Mais tu en as qui sont plus des danses de représentation pour effrayer un ennemi, etc. Là, c'est un petit peu pour se donner de la force et pour impressionner. Mais en gros, c'est plus pour se galvaniser soi-même, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. On peut également faire des parallèles entre Tumatuanga et Ku, qui est son équivalent dans la mythologie hawaïenne. Donc, chez les Maoris, on dit Tu, et dans la mythologie hawaïenne, on dit Ku. Voilà. D'ailleurs, je reviendrai aussi dans un prochain épisode sur les mythes hawaïens et polynésiens, parce que c'est une source fabuleuse d'informations, de découvertes. Enfin, c'est vraiment hyper passionnant. Moi, je ne connaissais pas du tout, et c'est hyper intéressant. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on fait folklore, parce qu'on aime découvrir de nouvelles cultures. Tout à fait, et on aime les partager avec vous. Voilà, bon, bah, j'espère que cette petite parenthèse dans la mythologie maori vous aura intéressé. J'espère aussi ne pas avoir trop écorché les noms des entités et des dieux. Pour apprendre la prononciation, je me suis aidée d'un dictionnaire maori en ligne qui donne des définitions de mots, de verbes, mais également des noms de personnages mythiques et qui, pour chaque entrée du dictionnaire, donne également la prononciation orale avec des voix enregistrées. Voilà, donc j'ai essayé de coller au mieux à ce que j'avais entendu et de reporter en phonétique sur mes notes. C'est pas toujours très probant. Moi, ça avait l'air bien de mon côté. Bon, oui, ça, écoute, si j'ai fait illusion, tant mieux. Sachez que j'y ai mis tout mon cœur, en tout cas, hein. J'ai répété pour m'approcher au mieux de ce que j'ai entendu dans ce dictionnaire, et je vous mettrai d'ailleurs le lien dans les notes du podcast pour que vous puissiez y jeter un œil. Voilà, c'est tout pour moi. Ben merci Déborah, c'était très très cool. Et ben avec plaisir. Et je vais prendre la main. Et ben tiens, bonjour. Bonjour, enchanté, Gabriel de Foucault. Oh, mais non, avec le coronavirus, on n'a plus le droit de se donner la main. Ah oui, ben... Mon dieu. Pour moi, ça reste un groupe de musique avant tout. Voilà. Très bien. J'ai pas la ref. Corona, this is the rim of the night. Ah oui, mais moi, c'est plus la bière, hein. Oui, chacun son. Chacun son. Oui, toi, c'est la musique de merde. Moi, c'est la bière de... Merde. De merde. Donc, avant de parler du folklore du jour, je voulais faire une petite parenthèse. Lorsqu'on a choisi le thème de la guerre... Mon premier choix, forcément, tu connais mon attrait pour tout ce qui est télévision, cinéma, etc. Série du samedi soir ? Non, c'était du dimanche après-midi. Ah, ou du samedi après-midi. Du dimanche après-midi. Je voulais faire, en fait, à la base, ma partie sur Xena, la guerrière. Ah, bah oui. La série de Sam Raimi. Et du coup, voir de quelle légende a été inspirée Xena. Ouais. Et il s'avère qu'en fait, ce n'est pas une légende. C'est un personnage qui a réellement existé. Qui s'appelait Amina de Zaria, qui est une reine guerrière du XVIe siècle du Nigeria. D'accord, ah, du Nigeria, ok. Du Nigeria, et en fait, elle a fait énormément de conquêtes pendant son règne, et elle a fait du coup de son royaume le centre du commerce transsaharien. Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais que Xena, c'était plus culture gréco-romaine, tu vois. Ben, c'est spin-off de Hercule, qui est de la culture gréco-romaine. Ouais. Mais en fait, quand Xena se bat, elle fait ce « yiii » de la culture c'est vrai. Orientale. D'accord. Voilà, Nigeria, c'est... Oui. Oui, c'est... Le... Plus qu'oriental, quand même. Hein. Mais voilà. Ok. Mais en tout cas, je trouvais que c'est un personnage... Enfin, c'est du coup une personne Oui, ben du coup, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, mais si ça vous intéresse, donc Amina de Zaria, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. Tout à fait. Bref, revenons à l'ordre du jour. Donc on va voyager un petit peu moins loin de mon côté, mais on va voyager un petit peu. Tout d'abord, je voulais me rattraper en fait du mythe d'Orphée, car le personnage de Redis n'avait pas un rôle très très important. C'était un peu le love interest de la saga. Mais c'est un peu le moins qu'on puisse dire, hein, parce que bon, à part se faire croquer par un serpent et se faire abandonner dans les enfers par son cum... C'est un peu plus compliqué que ça, il a fait ce qu'il a pu. Oui, bon, enfin c'est... C'était une neuf quand même, c'était pas rien. Donc, aujourd'hui, on va parler de Skaha. Il s'agit en fait d'une sorcière slash guerrière slash initiatrice de la mythologie celtique irlandaise. Je tenais vraiment à traiter un personnage féminin pour rétablir un petit peu l'équilibre. Donc, tout d'abord, son nom veut dire ombre, et c'est la fille de Buanwin, le roi de Scoti, et c'est la plus puissante et la plus connue des magiciennes druidesses, initiatrices des grands héros de la mythologie celte. En fait, elle est précepteur de héros, en quelque sorte. D'accord. Elle aurait vécu en Écosse, et plus précisément sur l'île de Skye. Elle est la chef, ce qu'on dit par reine, en fait, elle est la chef d'une communauté de femmes initiées comme elle à la magie, à l'art de la guerre et à la sexualité, dont elles dispensent leur enseignement aux héros au destin exceptionnel. Ceux qui sont promis à avoir un destin exceptionnel, elle les prend et elle les forme pour devenir des héros. Donc, si j'ai bien compris, elle les forme à l'art de la guerre et à l'art du cul. Exactement. D'accord. En fait, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est à travers la sexualité, on passe du statut de jeune homme à celui de homme. C'est vraiment vécu comme un enseignement du passage à l'âge adulte. D'accord, ok. du passage à l'âge adulte. C'est vécu comme un enseignement du passage à l'âge adulte. Déjà, dans un premier point, pour accéder à son île, où elle forme les héros, c'est un peu comme Poudlard, il y a un petit passage magique. Ouais. Il faut traverser un pont qui s'appelle le pont des sceaux, qui en fait, en fonction des versions, soit se rétrécit au fur et à mesure où tu approches pour te faire tomber dans le vide, soit en fait fait demi-tour, en fait tu avances, et tu te retrouves à ton point d'arrivée. En fait, déjà, on a une première étape. Ah oui, ok. Pour être vraiment digne de passer cette épreuve pour accéder à l'école. D'accord, ok. Ouais. C'est un peu... c'est à rendre fou quand même. Bah, pas plus que le quai 9 3 quarts d'Harry Potter. Oui, c'est vrai. Foncez dans le mur. Mais oui, je vous assure, ça va marcher. Donc, Skaha, elle a eu parmi ses élèves Cuculain, qui est le personnage principal du cycle d'Ulster, appelé aussi le cycle de la branche rouge. Et c'est vraiment lui l'archétype du héros. C'est un petit peu, si je devais comparer, je m'excuse pour ce que je vais dire si je dis une grosse bêtise, le Héraclès de la mythologie celtique, en termes de popularité. Ok. Et elle va aussi s'occuper de son compagnon, Ferdiad, qui est un peu moins important que lui, mais important pour l'histoire, pour le cycle d'Ulster. Petit aparté, en fait, la mythologie celtique, elle est divisée en quatre groupes appelés des cycles. On a le cycle mythologique, le cycle feignant, le cycle historique et le cycle d'Ulster. C'est vraiment quatre histoires différentes. Ok, moi je suis clairement dans le cycle feignant. Oui, c'est... il est un petit peu tard, c'est pour ça. Bref, revenons à notre histoire. Principalement l'histoire de Cuculain, puisque comme je dis, c'est vraiment un personnage très populaire. Et même si Ska n'apparaît pas très souvent dans les histoires, elle apparaît toujours, dès qu'on parle de Cuculain, elle est liée à lui. D'accord. Elle lui apprend la magie, l'art de la guerre, et elle lui offre ce qu'on appelle l'amitié des cuisses, qui donc son éducation sexuelle, pour qu'il passe vraiment du statut de jeune homme à statut d'homme adulte. Du coup, si Cuculain c'est l'archétype un petit peu du héros, Skaha c'est vraiment l'archétype de la sorcière, mais dans le sens femme sage et femme accomplie. Les sorcières n'étaient pas celles qu'on imagine dans la culture un petit peu populaire de ces derniers temps, qui étaient celles qui font gloire à Satan, orgie dans le sang, ouais, etc. Mais par contre, c'est une femme qui assume complètement sa sexualité et ses désirs. Et elle est plutôt, on va dire, une femme mûre. Tu vois, on n'est pas sur le cliché qu'on voit dans certaines représentations. On n'est pas dans le charme, quoi. Bon, on n'est pas dans le charme, on n'est pas dans des représentations où elle est plutôt jeune et plutôt bien foutue. Mm. Même si elle est présentée comme une femme séduisante, ça reste une femme d'âge mûr, d'où son rôle un peu d'initiatrice. On parle de Cuculain, mais n'oublions pas Ferdia, le pauvre, qui reçoit exactement la même formation que Cuculain, à l'exception d'un détail qui va suivre, qui est très important pour la suite de la mythologie. En fait, Skaha va apprendre à Cuculain à manier le Gaebolga, dit le javelot foudre. C'est une lance en fait fabriquée dans les eaux d'un monstre marin appelé Coinchant, et lorsqu'on l'invoque, il apparaît instantanément dans la main du propriétaire et finira toujours dans le cœur de sa cible. Ok, c'est efficace, moi j'aime bien. C'est assez pratique. C'est un peu le tornado de ta mythologie, quoi. Tu l'appelles, il arrive. Oui, Tornado, le cheval de Zorro. D'accord, oui. J'y suis. Oui, sauf que lui, il n'atteint pas forcément sa cible. Oui. Et alors, petite différence avec Tornado, entre autres, lorsqu'il rentre dans sa cible, en fait, la lame s'ouvre en 30 petites pointes. Effectivement, Tornado, il ne fait pas ça. Non. Tornado, il fait... Voilà. Merci, merci pour cette participation au podcast, Déborah. Il est tard. Ouais. Et alors, justement, je ne sais pas si tu es prête pour l'anecdote qui suit, mais petite fun fact sur Gaebolga. En fait, tu peux l'utiliser comme une lance ou un javelot classique, tu le lances. Ouais. Mais aussi, elle peut être utilisée avec les pieds, en le tenant avec les orteils. Mais quel est l'intérêt? Je ne sais pas, mais ça revient souvent. Mais à quel moment tu te dis, tiens, je vais coincer une lame entre mes orteils et je vais me battre. Imagine, t'es en train d'envoyer un texto, tu vois, t'écris avec ton portable, il faut que t'invoques Gael Bogdan pour te battre, et bien hop, tu l'invoques, tu le prends avec le pied et hop, tu le jettes. Enfin, il faut être extrêmement souple des pieds. Moi, par exemple, j'arrive à bouger mes orteils et les dissocier un peu les uns des autres. Toi, tu n'y arrives pas, comment tu ferais? Bref. Merci. Mais c'est pas une difformité, c'est pas grave. C'est juste que on n'a pas tous la même agilité des orteils. Peut-être que c'est ce qu'elle enseigne aussi. Ska. Elle enseigne beaucoup de choses, donc pourquoi peut-être pas... Peut-être le maniement des armes avec les orteils, peut-être. Je ne sais pas jusqu'où va son enseignement, mais il a l'air très intéressant. Je t'en prie, va donc suivre des cours. Voilà. Justement, en parlant de ça, une des rivales de Skaha, c'est Ifeu. Elle aussi, c'est une redoutable druidesse guerrière. Et en fonction des versions, c'est la sœur de Skaha. Mais c'est avant tout sa rivale pour diriger la communauté de femmes initiatrices. Et donc, lors d'une énième confrontation entre les deux guerrières, il faut savoir que Ifeu revient régulièrement pour péter à la gueule de Skaha. Mais c'est une rageuse, quoi. Mais elle perd à chaque fois. Et Kukulen, il a dit « Ah, moi, je me battrais bien avec Ifeu. » En fait, il faut savoir que Kukulen, c'est un petit peu un bourrin. C'est ce qu'on appelle un berserker dans la mythologie celtique. Je ne sais pas si tu connais le terme berserker. Alors, ça me parle, mais je n'ai pas forcément la référence en tête pour... En fait, un berserker, c'est un guerrier qui, quand il passe en mode guerrier, en fait, il ne pense plus à rien sauf au combat. En fait, presque, il perd sa conscience pour se battre vraiment en mode enragé. Un peu comme Hulk ? Exactement. Hulk, c'est un berserker. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et donc, Kukulen, il a l'air un petit peu bourrin. La baston, c'est son kiff. Et donc, il se dit, ah, il y a moyen que je m'amuse un petit peu dans un bon combat. Avant le combat, il demande quand même à Ska, qu'est-ce qu'aime le plus Ifeu ? Et elle lui répond, ses chevaux et son char. Et démarre le combat, et Kukulen, en fait, il en chie un petit peu. Il se rend compte que, finalement, Ifeu... Elle envoie du pâté, elle quoi. Elle envoie du pâté. En même temps, c'est la rivale de Ska, qui est son mentor, donc c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est sûr, il y a du level, quoi. Et donc là, il décide de ruser. Il menace le char et les chevaux de Ifeu, et prenant peur, elle accepte de se rendre pour les sauver. En échange de sa reddition, Kukulen lui impose des conditions. L'une d'entre elles, c'est de prêter allégeance à Skaha, de ne plus tenter de rivaliser avec elle et de prendre le contrôle de la tribu des femmes. L'autre, c'est d'accepter de lui donner l'amitié de ses cuisses. Super. Bravo Kukulen. Oui, mais ça a un autre sens ici. Non, ça n'a pas un autre sens, c'est juste qu'il veut pouvoir tremper sa nouille partout. Il a battu, donc... Il veut se vider les Kukuliam. Oh, joli. Merci. Et justement, elle lui donnera un héritier qui aura un sens un peu plus tard dans la mythologie de Kukulen et du cycle d'Ulster, mais on y reviendra un peu plus tard parce qu'on est là pour parler de Skaha. Skaha, elle a une règle parmi ses élèves, c'est qu'ils doivent tous prêter serment de ne jamais devenir ennemis entre eux. Mais la mythologie oblige, ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Mais dans un élément clé du cycle d'Ulster, qui s'appelle la razzia des vaches de Kulé, Kukulen et Ferdia vont s'affronter dans un duel à mort. Tu te rappelles que Ferdia, c'est le pote de Kukulen du début de l'histoire. Ouais, celui qui servait trop à rien au début, et voilà. Voilà, c'est le faire-valoir. Le faire-valoir, ouais. Et tous les deux font un combat plutôt équitable. Et Kukulen, sentant que ça pue un peu du cul, décide d'invoquer Gael Bolga et transperce le cœur de Ferdia. Avec les 30 petits morceaux. Et oui, mais c'est pas précisé s'il le fait avec les orteils. C'est dommage. Je pense que ça aurait rajouté de la classe de le faire avec le pied. Voilà, je sais pas. Pour conclure, on a quand même un mec, Kukulen, qui est plus ou moins le héros le plus puissant de la mythologie celtique. Et on a deux femmes assez badass. L'une, c'est son mentor, donc elle lui a appris en fait tout ce qu'il sait, qui a fait de lui le héros dont il est, qu'il est aujourd'hui, le champion en quelque sorte. Et une autre, qu'il arrive à battre en fait uniquement par la ruse. Donc on n'a pas une, mais deux figures féminines assez badass dans la mythologie celtique qui reviennent assez souvent dans le cycle d'Ulster. Donc j'aurais aimé trouver un petit peu plus d'infos sur elle, mais en fait, dès qu'on fait des recherches, on tombe sur Kukulen, c'est un petit peu dommage. Et puis après, le but de Folklore, en fait, c'est quand même de vous proposer une porte d'entrée dans la mythologie. On n'est pas théoricien de la mythologie ou doctorant. On est juste des passionnés, donc ça reste un petit peu ce qu'on appelle de la vulgarisation. Ouais, et c'était hyper intéressant. Moi, c'est pareil, les mythes celtes, ça m'a toujours un peu interpellée, voilà. Et je ne connaissais pas du tout ces différents cycles Hein, c'est donc, très intéressant, une belle découverte. Bon, pas pas aussi dépaysante que les Maoris, mais c'était plutôt cool. Bah, en même temps, à partir du moment où on ne connaît pas, ça reste une découverte, peu importe si elle est à la porte d'à côté ou à l'autre bout de la terre. Exactement. Je propose maintenant qu'on passe un petit peu aux références à la pop culture et à tout ce qu'on peut voir, si on veut approfondir un petit peu tout ça, qu'on va vous conseiller dans la dernière partie de ce podcast. Et voici les références dans la pop culture. Alors, bah, du coup, je vais prendre la main sur cette partie-là. Je t'en prie, tu me la rends à la fin. Je ne sais pas, on verra. C'est toi qui as le totem de parole. Tout à fait. De mon côté, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des références à ces dieux maoris. Il y a beaucoup de productions faites sur les maoris une fois la colonisation, une fois les colons arrivés. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des références précises sur notamment Tumatewenga ou même Rangi et Papa. Donc ça a été un petit peu compliqué. Bah, c'était ce que tu disais, qu'a priori le premier texte officiel, si je peux dire, il date quand même du 19e siècle ou 18e. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, du 19e, 1849, en même temps, ça aurait pu inspirer en fait des cinéastes, ça aurait pu donner des idées dans des comics ou des choses comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors peut-être parce que j'avais pas forcément les noms polynésiens plus génériques. Là, c'était vraiment les noms maoris. Les noms polynésiens, parfois, m'auraient peut-être permis de faire une porte d'entrée, en fait, pour accéder à des œuvres. Notamment, je sais pas, je vais citer Vaiana de Disney. Mais voilà, j'ai pas trouvé de référence vraiment à ces atouas-là dont j'ai parlé et à cette mythologie globale. Néanmoins, vas-y. Mais c'est vrai qu'en fait, la culture d'Océanie commence tout juste à s'exporter en Occident. C'est peut-être pour ça que nous, on n'a pas encore assez de culture là-dessus. Oui, et puis même, on découvre... Enfin, moi, je découvre en tout cas la vie de ces tribus, etc. Mais on n'a pas encore... Enfin, on y va petit à petit. C'est-à-dire que d'abord, on découvre comment ils vivent avec les retours d'expérience et les écrits des colons à l'époque, mais on n'a pas encore suffisamment, nous, en tout cas en Occident, peut-être de volonté de traiter de ces sujets-là, et j'ai pas trouvé non plus, mais alors peut-être que j'ai pas cherché avec les bons termes aussi, parce que si c'est des œuvres maoris, ben j'aurais eu plus de mal à les identifier avec mes termes français ou même anglais, voilà. Néanmoins... peut-être que des œuvres maoris existent sur ces dieux, sur ces atois, j'ai juste pas réussi à y accéder. Voilà. C'est à toi de chercher. Cette blague est mi-validée. Voilà. C'est déjà, je prends. Néanmoins, pour avoir un petit résumé de cette histoire, de façon très simple et très enfantine, vous pouvez chercher sur YouTube la chanson qui s'appelle Rangi and Papa. Donc Rangi, c'est R-A-N-G-I, and comme et en anglais, et puis papa comme papa. De toute façon, on vous mettra le lien dans les notes du podcast. Tout à fait, et on diffusera aussi certainement le lien sur les réseaux sociaux. Donc cette petite musique, elle résume en images avec un petit texte pour vous rappeler un petit peu cette histoire que je vous ai racontée. En tout cas, donc, je vous ai dit que j'avais eu beaucoup de mal à trouver des références dans la pop culture sur ces dieux maoris. En tout cas, je me dis que pour un prochain God of War, ça pourrait être un petit peu sympa de voir Kratos rencontrer Tumatewenga. Et ça pourrait envoyer du lourd. Là, on l'a envoyé sur les terres des dieux nordiques. S'il pouvait débarquer chez les maoris, non. L'ascenseur émotionnel que j'ai eu là à cause de toi... Parce c'est que vrai? Tu m'as dit God of War, je me dis, ah putain, God of War chez les Maoris. Et en fait, non, c'est de la spéculation. Ouais. J'ai eu un ascenseur émotionnel là, assez intense. Mais non, mais ça pourrait être cool, grave. En même temps. Mais il y a eu, je crois, dans God of War Origin, je crois qu'il y a des références à la culture Anu. Il affronte des éléphants, des trucs comme ça. Donc, donc pourquoi pas, pourquoi pas rencontrer le dieu de la guerre, Tumatewenga. Un mélange. Péter sa gueule pour prendre sa place. C'est un peu le mode de fonctionnement de Kratos. Ouais, mais Tumatewenga, il pourrait le bouffer. Parce qu'il a quand même très faim. Oui, mais Kratos, il a pété la gueule à Arès. Ouais, mais est-ce que l'humanité représentée par Tumatewenga pourrait pas avoir le dessus sur Kratos, tu vois, tous si... Non? Ouais, je peux pas, Kratos... C'est un peu le... qui est le plus fort entre Batman et Superman, quoi? Bah c'est Batman. Ok, bon... Non, Donc, si vous avez des références en tête, hein, et ben lâchez-vous dans les commentaires. Ça, j'aime bien lâchez-vous dans les commentaires, ça fait très début de YouTube. Soit sur Facebook, la page c'est folklore-le-podcast, ou alors sur Twitter, @lefolklore, tout attaché. Et vous êtes évidemment les bienvenus sur ces deux espaces. N'hésitez pas à nous suivre, on se follow back, on se tweet, voilà. On se retweet. On se poste. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie, je n'ai aucune référence, à part cette petite chanson « Rangé Papa ». Ben écoute, moi j'en ai pas mal. Donc, eh ben vas-y, ça compensera. Tout d'abord, si vous voulez lire le cycle d'Ulster, c'est assez dur de le trouver en français, mais par contre, il est disponible en anglais. Donc il y a moyen de trouver le texte en intégral en anglais, soit en version reliée, soit sur différents sites. Mais par contre, sur le site Gallica, on trouve énormément d'extraits du cycle d'Ulster. Gallica, pour information, c'est la plateforme en ligne de la Bibliothèque nationale de France qui numérise petit à petit beaucoup de ces fonds d'ouvrages anciens qui sont donc tombés dans le domaine public et qui sont diffusés gratuitement sur Internet. Donc c'est le ministère de la Culture qui paye ça, c'est la BNF qui met les moyens pour le faire, avec parfois des accords privés, mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Et en tout cas, c'est une source d'information et d'accès à de la documentation, soit écrite, soit des images fixes, qui est d'une richesse et d'une qualité exceptionnelle. Voilà. C'est un peu le même fonctionnement que l'INA. C'est le même fonctionnement que l'INA, ouais, tout à fait. Voilà. Pour ceux qui voient régulièrement, parce que l'INA, ils sont assez actifs... sur YouTube ou sur Facebook, donc c'est un peu le même fonctionnement, mais pour tout ce qui est papier, voilà. On peut dire. Ouais, c'est un peu résumé facilement, mais voilà, pour tout ce qui n'est pas audiovisuel en fait. Pour tout ce qui n'est pas animé. Mais la radio, c'est pas animé. Et c'est sur Gallica ? C'est sur l'INA. Mais la radio, c'est animé dans la voix. Arrête. Bref, on digresse sur ce podcast. Digresse. Donc maintenant, je passe un petit peu aux références à la pop culture. Dans l'histoire de Red Sonja, dit Sonia Larousse en français, qui existe en comics et en bouquin, Red Sonja, en fait, c'est un personnage issu de, si je dis pas de bêtises, de l'univers de Conan le Barbare. Et en fait, c'est une femme rousse dont la famille s'est fait tuer et a été captive, violée, etc. On part sur une base... Ah ouais, cool. Bonne ambiance, quoi. Et en fait, Ska lui apparaît et lui donne en fait une force surhumaine et le don de maniement à l'épée. Mais la condition, c'est qu'elle ne doit pas coucher avec un homme, sauf s'il a vaincu en combat loyal. Ok. Voilà, petite condition. D'accord, bah écoute, moi je trouve que c'est sain. Enfin, c'est... En même temps, elle devrait pouvoir coucher avec qui elle veut. Exactement, ça va un petit peu en contradiction avec ce qu'on a vu sur Ska, qui était une femme qui assumait complètement ses pulsions et ses désirs sexuels. Skara, c'est aussi un des personnages principaux de la saga de littérature jeunesse Les Secrets de l'Immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott. Et dedans, en fait, c'est un vampire de 10 000 ans. Donc on n'est plus trop sur la sorcière, on est plus sur le vampire. J'ai pas lu la saga, donc je sais pas si elle est vampire slash sorcière. Ouais. Mais ce que je sais, c'est qu'elle se bassonne beaucoup. Elle semble être à l'origine de la plupart des arts martiaux qui existent actuellement. D'accord. Et elle est pote avec Jeanne d'Arc. Ok, bah écoute, on why reste not sur une meuf bien badass. Mais c'est vrai que le fait de la faire vampire, ben, je trouve que ça gâche un peu. Moi, j'aime bien le côté sorcière proche des éléments, proche de la nature, etc. Ce qu'on retrouve moins, c'est avec le vampire. Ben, en fait, je pense que c'est comme l'histoire des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, ça se passe en notre époque. Je pense que pour pouvoir la garder vivante... Ah, l'excuse, c'était d'en faire un vampire. Puisque... enfin, Nicolas Flamel, c'est pas celui qui a trouvé la formule pour... La pierre philosophale. La pierre philosophale. Si, mais a priori, il y a pas mal de personnages historiques et mythologiques qu'on croise. D'accord. Et du coup, il doit y avoir plusieurs façons d'être immortel dans cette histoire. Ok, ça me va. J'accepte. Ça a l'air plutôt cool, d'ailleurs. Bah écoute, Ça viendra gonfler notre bibliothèque. Voilà. On reparle encore une fois de Fate Grand Order, le RPG sur mobile sorti en 2015. En fait, elle fait partie des personnages associés à la lance. Et justement, je disais un petit peu plus tôt qu'on l'a représentée en jeune fille. Ouais. Et notamment, dans Fate Grand Order, elle est représentée en jeune fille, alors qu'elle est censée être quand même une femme plutôt mûre. Et Cuculain est là aussi, du coup, associée à la lance aussi. Ok. Enfin, pour conclure, la dernière référence que j'ai trouvée, c'est dans la saison 6 d'American Horror Story. Elle joue donc une sorcière immortelle. Donc là, ça te fait plaisir, Deb. Et elle est jouée par Lady Gaga. Ah ! Voilà. Hyper intéressant. Voilà, on n'a pas regardé encore American Horror Story. Non, mais du coup, ça me donne encore plus envie de le regarder. Cet épisode 2 touche à sa fin. Oui. Bah, il touche même plus, il est fini en fait, hein. Voilà. Disons les choses. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Vous pouvez retrouver Folklore sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les plateformes Android. Podcast Addict, tout ça, tout ça. Etc. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Folklore-le podcast. Et sur Twitter, à @lefolklore, tout attaché. À très bientôt. Et bon, on vous embrasse, et puis bon mois de mars. Ciao, ciao. Ciao.